Holiday Mix. Holiday Mix. Bienvenue dans Holiday Mix. Chaque semaine, retrouvez la sélection de Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Holiday Mix, le meilleur du clubbing. Les meilleures nouveautés dance floor. House. Electro. Tech House. Soulful. Nouvelle tendance. Les meilleurs mashups. Accroche-toi. C'est parti. C'est parti. Pour une heure 100% dance floor. 100% dance floor. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut et bienvenue dans Holiday Mix, retour à la normale. Cette semaine, nous sommes en 2012 et aujourd'hui, je vous ai concocté un set garanti 100% house. De la musique maison profonde et spirituelle, en anglais, de la deep, de la soul, du disco, et nous aurons même un mashup des DJs from Mars, les DJs from Mars qui nous ont remixé Oasis et AC/DC sur un fond dubstep. Ce sera à découvrir en fin d'émission. Pour démarrer ce Holiday Mix, direction la Grande-Bretagne avec le dernier Ten Snake. Que c'est sorti sur Defected et ça s'appelle Mainline. Vous écoutez Holiday Mix, montez le son. Holiday Mix. Higher and higher, flying deep inside your love. I'm so addicted, I just can't get enough. Hooked on a habit of love I can't escape. You've got your love potion flowing through my veins. And darling, don't wanna stop, cause you struck my main line. Can't stop this feeling inside my brain. Love is well worth the price I had to pay. Cause once your love hit me, everything did change. The world seems brighter, now nothing seems the same. You sent your love through me ever since you came, and darling, don't wanna stop, cause you struck my main line. Can't stop this feeling inside my brain. We'll be right back. to Monsieur Cortez, Soulful House Session. Holiday Mix. If you wanna know the future, you must understand the past. History's our teacher. It's the die from which we're cast. Suffering for God. Tell me, what do you see? We'll be there till the end. There will surely be a place where men will flee. Reach their promised land. Holiday Mix, le meilleur de la soulful, des voix magiques pour débuter ce set. Il y avait Montana et Stewart, I Need You Back, Menakis et Marlandi, Wanna Be Yours, Pete Simpson, et à l'instant vous écoutiez le 24 Hours de Chris B. C'est tout l'esprit d'Ibiza qui nous attend dans quelques minutes sur Holiday Mix avec le Summer Haze de Grant Nalder, mais tout de suite voici Mox & Marquez avec une reprise magique du Chain of Fool de Madame Aretha Franklin. Holiday Mix, we are getting deep. For 5 long years, I thought you were my man. Better than I found love, I'm just a link in your chain. You got me where you want me. I ain't nothing but your fool. You treated me mean. Oh, you treated me cruel. Change.

Monsieur Cortez in the mix. I'm not afraid of the dark. Holiday Mix, le meilleur du dance floor. Le meilleur du dance floor. Thank you. You're listening to Monsieur Cortez Soulful House Session. Holiday Mix. I tried to change you. I tried to make you believe. You gotta do it on your own. You gotta dig deep down. You gotta. We'll be right back. ça. En exclusivité sur Holiday Mix. Holiday Mix. My heart is beating so fast. Yeah, yeah. My heart is beating so fast. Yeah, yeah. My heart is beating so fast. Yeah, yeah. My heart is beating so fast. Holiday Mix en plein cœur de la house avec l'un des rois du style Iberian, monsieur David Penn, accompagné sur ce single par Max C. Loving You. Juste avant, vous avez pu entendre le Rich Deep de Mosaic and Exacta, précédé du Goodbye Fly de Joris Wourne et du Don't Go de Laurent Charc. Laurent Charc, un Marseillais exilé à Londres qui fait de plus en plus parler de lui là-bas, notamment au Ministry of Sound ainsi que dans de nombreux autres clubs d'Europe. Holiday Mix, c'est presque terminé. On va se quitter avec deux Italiens qui se sont rapidement fait une réputation en or depuis quelques années. Ils sont spécialisés dans les remixes pirates. Ils bootleg et remixent tous les tubes qui leur passent sous la main. Et je veux parler des DJs from Mars. Aujourd'hui, ils nous ont mélangé le Back in Black des CDC avec le Wonderwall d'Oasis, Internet Friends de Knife Party et le Scary Monster de Skrillex. C'est avec eux que l'on va se quitter. Bye bye à tous et à la semaine prochaine. Ça mixe. Ça remix. Ça méga mix. Les meilleurs mashups sont dans Holiday Mix. Holiday Mix.